bitte wisst das? Would you savoir? Know that Jesus did not bring peace on earth. Wisse, dass Christus nicht Frieden auf diese Erde gebracht hat. Jésus-Christ n'est pas venu pour amener la paix sur terre. And that is because that is what religion preach. Et das ist das, was Religion predigt. Et c'est ça ce que la religion prêche. They preach that Jesus brought peace. Sie predigen, dass Jesus Frieden gebracht hat. Ils prêchent que Jésus-Christ est venu pour amener la paix. But Jesus said he did not bring peace by sword. Aber Jesus sagt, er hat nicht Frieden gebracht, sondern ein Schwert. Mais Jésus-Christ l'a dit qu'il n'est pas venu pour amener la paix, mais l'épée. Because if you choose him, there will be war. Weil wenn du ihn wählst, wird es Krieg geben. Parce que si tu choisis Jésus-Christ, il y aura la guerre. He knows that man will not choose him. Er weiß, dass der Mensch ihn nicht wählen wird. Il sait que l'homme va pas le choisir. He knows that it will take him to choose him. Er weiß, dass es ihn kosten wird, ihn brauchen wird, um ihn zu wählen. Il sait que tu as besoin de lui-même pour le choisir. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Matthew 10, please. Matthäus 10. Matthew 10. From verse 34. Matthäus 10, 34. Matthew 10, verse 34. He said, think not that I am come to send peace on earth. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know where they get their message from. Ich weiß, woher sie ihre Botschaft haben. Je ne sais pas d'où les gens prennent leur message. Amen. Amen. Those that always preach, Jesus brought peace. Die Leute, die immer predigen, dass Jesus Frieden gebracht hat. Les gens qui prêchent que Jésus-Christ est venu pour la paix. Amen. Amen. Here he is saying that he did not bring peace. Hier sagt er ganz klar, er hat keinen Frieden gebracht. Ici, il dit qu'il n'a pas amené la portée la paix. Because his own kind of peace is another peace. Denn sein Frieden ist ein anderer Frieden. Parce que sa propre paix, c'est une paix différente. What this world called peace, he called it evil. Was diese Welt Frieden nennt, nennt er bösartig. Ce que ce monde appelle la paix, c'est mauvais. Amen. Amen. And you know, put something here. Let's go to Deuteronomy 23. Verse 6. And see what he said we should not seek. Damit wir sehen, was wir eben nicht suchen sollen. Pour voir ce qu'on ne doit pas chercher. Deuteronomy 23, verse 6. 23. Deuteronome 23. Verset 6. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Are you there already? Do you know what is there? Have you seen it? Verse 6. He said, thou shalt not seek their peace. Are you getting it? Thou shalt not seek their peace, nor their prosperity, all the days forever. Don't seek their peace. Don't seek what they call prosperity. Du sollst ihren Frieden und ihr Bestes nicht suchen, all deine Tage ewiglich. Amen. Don't seek their joy, don't seek their prosperity. Amen. Suche nicht den Reichen, suche nicht ihr Erfolg. Verset 6, tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Don't seek their results. Suche nicht nach ihren Ergebnissen. Ne cherche pas leurs résultats. Don't seek their report. Suche nicht nach ihren Berichten. Ne cherche pas leurs rapports. Don't seek their joy. Suche nicht ihre Freude. Ne cherche pas leur joie. They have their own joy, they have their own peace. They have their prosperity, they have their everything. Mm. But the kingdom have its own everything. Sie haben ihren eigenen Frieden, sie haben ihr eigenes Bestes, sie haben ihren eigenen Wohlstand, aber Christus hat sein eigenes. Das Königreich hat sein eigenes. Ils ont leur propre prospérité, leur propre bien, leur propre tout, même aussi le royaume des cieux a son propre prospérité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, back to Matthew 10, please. Zurück zu Matthäus 10. Matthew 10. He said, "Think not that I am come to send peace on earth." Matthew 10:34. Your kind of peace. Ihre Art von Frieden. Leur propre joie. What they call peace. Was sie Frieden nennen. Ce que le monde appelle la joie. Where they gather in another name, wo except in the name of Jesus. In jedem anderen Namen außer Jesus Christus. Là où ils se rassemblent dans un autre nom sauf de Jésus Christ. What joined them together must always be the flesh. Was sie immer and never the spirit. Christus Jesus ist. Et la raison pour laquelle ils se rassemblent, c'est toujours la chair et c'est pas à cause de Jésus Christ. They will tell you you are the one causing division in the family. Die werden sagen, dass du der, der dafür Streit sorgst in der Familie. Ils vont te dire que c'est toi la personne qui cause oui la dispute dans la famille. You know, they are just telling you. If you really choose Jesus Christ, it means they are telling you you are Christ. Das heißt, wenn du wirklich Jesus Christus wählst in dieser Entscheidung, sagen sie dir damit, dass du Christus wirklich bist. Et donc, si toi tu choisis vraiment Jésus-Christ et puis ils te disent que tu cherches toujours la division, ça signifie que tu es vraiment le Christ. Praise the Lord. Amen. Jesus, he said, he brought salt. Jesus sagt, er hat ein Schwert gebracht und nicht Frieden. Jésus-Christ, il a écrit que, il a dit qu'il a porté l'épée et non la ferme. Think not that I am come. I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his household. Is somebody getting something here? All of us, we are experiencing it today. Und wir alle erfahren das momentan. Et nous tous on fait l'expérience de ce que Jésus-Christ dit. Those that are against you are not even the outsider. Die Leute, die gegen dich sind, sind noch nicht mal die Leute, sind nicht mal Fremde. Oui, les gens qui sont contre toi ne sont pas les gens que tu connais pas. C'est a pity. C'est traurig. Et c'est puis ça. C'est so sad. C'est schade. C'est vraiment triste. Amen. Once the those that once called you family, that because of Christ, Christus, you are not strangers to them. Fremder für sie. Les gens qui t'ont appelé, qui disaient que tu fais partie de la famille, ils t'appellent maintenant les étrangers. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Praise the Lord. I don't know the Bible that they read. I don't want my children to love me more than they love Jesus. Why am I different? Are you getting it? I don't want my children to come to me because I carried them in my womb for 9 months. Ich finde, dass meine Kinder zu mir kommen, weil ich sie getragen habe, monatelang mein Bauch. 500 years. Das sind 100 Jahre waren. Et je ne veux pas que mes enfants me cherchent, oui, mais préfère que Jésus-Christ parce que je les ai portés pour plus de 9 mois. I want them to come to me because of Jesus. Ich will, dass sie zu mir kommen wegen Jesus. Je veux qu'ils viennent chez moi à cause de Jésus-Christ. Jesus should always be number one in their life. Jésus doit être le numéro 1 dans leur vie. Jésus-Christ doit toujours être le numéro 1 dans leur vie. And that position, I don't want something else to replace it. Und nicht soll diese Position einnehmen in ihrem Leben. Je ne veux pas qu'une autre chose remplace cette position. Until you can understand this and believe it and act on it. Erst wenn du das verstehst und glaubst und danach handelst. Et seulement quand tu crois cette vérité, que tu agis selon cette vérité. It's not just saying it, but act on it. The action must be seen. Das muss gesehen werden. C'est pas sehen können. C'est pas seulement que tu dises avec ta bouche, mais qu'on voit l'action. Because so many times we say things that we never act. Oft sagen wir Dinge, aber wir handeln nicht danach. Et souvent on dit des choses, mais on n'agit jamais. It's not half-half. You act on it. Nicht halb completely. Halb, es vollkommen folgen. C'est pas que tu fais les choses demi à demi, mais que tu agis complètement selon ces choses. Praise the Lord. Hallelujah. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Praise the Lord. Amen. You know, I just, once I'm reading all this, I'm so happy. Et quand je lis tout ça, je suis vraiment heureux. Why should people be even be jealous of Jesus? Pourquoi les gens doivent être jaloux de Jésus-Christ? You turn to his, you know, you not become his rival. Tu deviens son rival, son ennemi. Are you getting it? Praise the Lord. And he that taketh not his cross 38. And followeth after me is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Praise the Lord. Amen. Amen. If you go to John 10. You want to see John 10? I thank Jesus he had to run away from them. Ich danke Jesus, dass vor ihnen fliehen as far as musste, he could. So schnell wie konnte. Je remercie l'Éternel qui pouvait fuir de ces gens. If not, he will not be able to save us today. Sonst wäre nicht in der Lage, uns heute zu retten. Si nous n'allait pas être capable de nous sauver. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the Bible talks about running from fornication. Actually, if you look at it, the fornication, but being one with the flesh is fornication. One with them. Befohlen vor Unzucht zu fliehen. Und diese Unzucht ist nicht nur physisch gemeint, sondern auch eine geistliche Unzucht, indem man eins ist mit dem Fleisch, mit der weltlichen Familie. Et Jésus-Christ nous a dit de fuir la fornication, mais il y a aussi la fornication spirituelle, et c'est que tu es un avec les gens qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. You know what I just said? Put your hand, put one finger here, in John 10. Then let's go to James 1, James, the book of James first. James 4. Jacobus 4. Jacques 4. Praise the Lord. Amen. Look at what he call you. Hört euch an, wie euch nennt. Ich weiß, wie vous appelle. He said in verse 4, he said, you adulterer and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Yes. You see that you are married to Christ Jesus, or you are married to the world. Which is Satan. Et soit tu es marié avec Jésus-Christ ou marié au monde. Amen. Amen. He said adulterer and adulteresses. Ehebrecherinnen, Ehebrecher. Adultère. He's talking about marriage. Geht um Ehe. Ici il parle du mariage. You can never be married to two people. Du kannst niemals you see that to Christ. Or married to Christ. And that he is your husband. Or you are married to them. Oder mit ihnen verheiratet. Et soit tu es marié à Jésus-Christ ou tu es marié au monde. Remember, he also says, run away from fornication. Er sagt auch, flieht der Unzucht, flieht. Il a dit, vous devez fuir la fornication. He's not even, it's not even about, for, you know, when Jesus came, he was not about anything here on earth. He was always about the spirit. Ging's immer um den Geist. Et chez Jésus-Christ, il s'agit pas seulement de la chair, mais surtout de l'esprit. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's go back now to John 10. Johannes 10. Jean 10. Verse 30. Johannes 10, Vers 30. Jean 10, verset 30. He said, I and my father are one. He did not say, I and my mother are one. Mein Vater und ich, wir sind eins. Sag nicht, meine Mutter und ich sind eins. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit, moi et ma mère, nous sommes un. Why? Because of the Heavenly Father. Et c'est à cause du Père Céleste. I am my Father. Moi et mon Père. Are one. Nous sommes un. I could have liked to preach this message that he gave me to preach. But because of our testimony, we have been postponing it. As I was it on Monday night? As I was lying down, he asked me a question. am Montagabend, als ich mich hingelegt habe, hat der Herr mir eine Frage gestellt. Et lundi soir, Dieu m'a demandé une question. He said, if a man come to me, and that man is just, he's just after heaven, and tell me that he wants to make heaven, he's just seeking heaven. He wants to go to heaven. For him, he must make heaven. That's what he's after. He said, what will I say to him? Er hat mich gefragt, wenn ein Mensch auf mich zukommen würde, ein Mann, und der sagen würde, dass er wirklich hinter dem Himmel her ist, unbedingt in den Himmel will und es unbedingt in den Himmel packen möchte, was würde ich so einer Person sagen? Et Dieu m'a, le Saint-Esprit m'a demandé si, par exemple, une personne me cherche et dit toujours que je veux aller aux cieux, je dois arriver aux cieux, qu'est-ce que j'allais dire à cette personne? Amen. I told him, Lord, I will tell him we don't seek heaven here. We seek Christ. Ich will ihm sagen, we seek you alone. Wir suchen nicht den Himmel, sondern not heaven. Jesus und nicht in den Himmel. Mm-hmm. Et j'allais dire cette personne qu'on cherche pas le royaume des cieux, on cherche pas les cieux, mais on cherche Jésus-Christ, et seulement Jésus-Christ. Amen. Religion seeks heaven. Die Religion sucht den Himmel. La religion cherche les cieux. For them, they must go to heaven. Sie müssen in den Himmel. Pour les gens religieux, c'est qu'il doit aller aux cieux. The kingdom is already in heaven. Alors, le Königreich ist schon au Mais le royaume des cieux est déjà aux cieux. Because you cannot come to Christ and not be in heaven. Et du kannst nicht zu Christus Jesus kommen und nicht im Himmel sein. Parce que tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et être aux cieux. That's the message you wanted me to preach today. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know what he said? Et ne pas être aux cieux. Du kannst nicht zu Jesus kommen und noch nicht im Himmel sein. Tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et ne et pas être aux cieux. Remember, I told Lazarus' sister. I don't just resurrect people. I am the resurrection. Amen. Er hat zu Lazarus' Schwester gesagt, dass ich gebe nicht nur Auferstehung. Ich lasse nicht nur zu, dass Menschen auferstehen. Ich bin die Auferstehung. Amen. Et Jésus-Christ a dit à la sœur de Lazare, je ne ressuscite pas seulement, mais je suis la résurrection. And that's why you never come to Christ and you are not in heaven. Deswegen kannst du nicht zu Christus kommen und nicht im Himmel sein. C'est pourquoi tu ne peux pas venir vers Jésus-Christ et ne pas être aux cieux. He brought heavenly system into the world here. Er hat das himmlische System hier auf die Welt gebracht, auf die Erde gebracht. Il a amené le système de cieux ici sur terre. You can look at how everything he did. Yeah, we are all heavenly system. Alles was er tut, das war himmlisches System. Et tout ce qu'il faisait, c'était céleste. Amen. He did the thousand. It was heavenly. Die tausend satt machen. He looked heaven. War himmlisch. No, his own heaven. What he called heaven. Das was er Himmel nennt, darauf hat er geschaut. Et le fait qu'il a nourri même 5000 personnes, c'était une chose céleste. C'était tout basé sur les cieux. Religion today, they are, you know, they, for them is a prayer to make it. Mm-hmm. Religion, sie beten darum, in den Himmel zu kommen. Mais pour les gens religieux, eux, ils cherchent d'entrer aux cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We seek the Lord alone. Et wir suchen den Herrn allein. Mais nous, on cherche seulement Jésus-Christ. And that's also why we don't seek to be healed. Deswegen suchen wir nicht, geheilt zu werden. C'est pourquoi on ne cherche pas d'être guéri. Amen. Amen. Just like one film of Tanya was showing me some days ago concerning somebody that Jesus was telling Jesus he was sick. That how can he be sick and he preaching Christ? Amen. Praise the Lord. Genauso wie ein Film, den oder eine Sendung, die mir Tanja gezeigt hat, dass ein Mann sich gefragt hat, wie soll ich Christus predigen, wenn ich doch selber gehandicapt bin, selber krank bin. Et comme aussi dans une série que ma fille m'a montré d'un homme qui a été malade, n'était pas sauvé naturellement et bien guéri naturellement. Et il s'est demandé comment je peux prêcher Jésus-Christ, je peux prêcher la guérison si moi-même je ne suis pas guéri. It's like Joseph. To be How can Jesus be a slave and be a prosperous man? Wie kann Josef ein Sklave sein, aber dennoch ein And the Bible calls him a prosperous man. Und Bibel nennt ihn einen wohlhabenden Menschen. Comment Jésus, comment Dieu peut appeler quelqu'un comme Joseph un homme riche si physiquement il est un esclave? Amen. Amen. We don't pray to Lord to live long. Wir beten nicht dafür, lang, wir beten nicht um langes Leben. On ne vit pas, on ne prie pas pour prier longtemps. Praise the Lord. Hallelujah. We don't pray to live long. Wir beten nicht darum, lang zu leben. On ne prie pas de vivre longtemps. Are you getting it? If you go to Proverbs 3, you see that. Go to Proverbs 3. Proverbe 3. Proverbe 3. Verse 16. Verse 16. Verse 16. Mm-hmm. It's a length of days is in her right hand. And in her left hand, riches and honor. You can see why Joseph was called a prosperous man. Sehen, weshalb Josef ein wohlhabender Mensch genannt wurde, obwohl nichts war, was zu beweisen, hier auf Erden. Et vous pouvez voir pourquoi Joseph a été il a été appelé un homme riche, bien qu'il avait rien dans la chair. Praise the Lord. Hallelujah. It's a length of the question is, are you Christ or not? Et la question est, est-ce que tu es le Christ ou pas? Because here he's talking about Christ. Et ici, dans verset 16, are you getting it? On parle du Christ. He said, length of days is in her right hand, and her left hand riches and honor. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to stop seeking. Er möchte, dass wir aufhören zu suchen. Stop seeking what we already have. Aufhören, das zu suchen, was wir schon haben. Et il veut qu'on arrête de chercher ce que nous avons déjà. Amen. Amen. And that's why God's children never seek to pass. Ja, suchen Kinder Gottes nicht nach dem Bestehen. C'est ça pourquoi les enfants de Dieu ne cherchent pas à passer leur examen. I'm not saying you don't read. If you direct you to read, read. But you don't lernen. Seek. To pass. Aber wir suchen, streben nicht danach zu bestehen. Je ne dis pas que tu ne dois pas étudier, mais je dis que tu ne dois pas chercher. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Because pass or fail, it doesn't matter. Denn once you come to heaven. C'est égal, wenn es um den Himmel geht. Parce que même si tu passes ou bien tu échoues, ça sert à rien si ou bien ça compte pas si tu pour entrer ou pas. I don't know if somebody's getting it. It's like if you are in prison or not, it doesn't matter. Like Joseph. He was in prison or not. The Lord was still there. Then the Herr I don't know if somebody's getting it. It's the same thing with Joseph, for example, or bien Paul. It's not important if you're in prison or not. It's important that you're in Christ. It doesn't matter what you have. It's not important what you have. It's somebody getting it. Amen. Amen. Even in prison. No one will pray to be in prison. Niemand würde darum beten, würde darum beten, ins Gefängnis geschossen zu werden. Personne va prier d'entrer ou bien d'être dans une prison. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what they, you know, what they are after. Du peux voir ce que le monde cherche. God children, we are never, we should never be after those things. Die Kinder Gottes sollten niemals hinter diesen Dingen her sein. Et nous les enfants de Dieu, on doit jamais chercher ces choses. I will close with Romans 8 so that my children can give their testimony. Oui, Amen. Là. Romans 8. Romans 8. Praise the Lord. Hallelujah. Please go to Romans 8. Romans 8. Romans 8. Verse 28. And we know that all things work together for good. All things. Not some things. All things, not until you pass. Just when you stehst. Verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. If we are of heaven, what Christ called heaven, If we, you know, we have to learn the system of heaven. Wenn wir vom Himmel sind, sollten wir das System des Himmels kennen. Und wir, si nous sommes aussi, on doit apprendre le système des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. All things. Anything. Toutes choses concourent au bien pour les enfants de Dieu. It means we should never be in stress. Ça veut dire niemals im Stress sein. Ça signifie ne jamais être stressé. It means when nothing is working. That does not mean nothing is working. Ça signifie que même si rien ne marche, ça signifie pas que rien marche. Amen. Amen. It means when things are getting worse, does not mean things are not even working for God's children. So all things work together for good for God's children. Dass nicht alles gut ist, im Herrn. Denn alle Dinge werden zum Besten, dienen zum Besten, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Et même si il y a des choses qui ne marchent pas selon la chair, ça signifie pas que les choses ne marchent pas pour les enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, testimony time, please. Praise the Lord. Hallelujah. Are you ready? Who? Two. Not giving her. Okay, it means we are too, we are even still many a little bit. I thought